Ode à l'automne. Une nouvelle écrite par Catherine H. Lue par Stanley pour audiocité.net. J'aime l'automne. L'odeur de la terre humide. Une vague senteur de champignons naissants imprégnant l'atmosphère. J'aime l'automne. La lumière est moins vive, et les couleurs de l'or se mêlant au cuivré dessinent un camailleux à nul autre pareil. J'aime l'automne dans sa farandole, lorsque le vent, déshabillant les arbres, emporte les feuilles qui tourbillonnent avant de se poser au sol. J'aime l'automne qui fait bruisser ses traces mortes sous mes pas, vestiges des ramures estivales et des bourgeons printaniers. J'aime cette forêt à nul autre pareille, où nous nous promenions souvent au temps de nos premières amours. Te souviens-tu de nos courses joyeuses au milieu des chênes séculiers, témoins muets de notre passion, gardiens indéfectibles de nos ébats? Sur le tronc de l'un d'eux, j'avais gravé nos noms, enlacés dans un cœur, symbole de notre union. Je te revois. Tu me souriais dans ce doux soleil d'automne, et tes cheveux se confondaient aux roues du feuillage. Ton corps contre le mien, alangui sur ce tapis de feuilles qui nous servait de lit. Le bonheur irradié de tout ton être, n'était-ce pas là le miracle de l'amour? Et aujourd'hui encore, tu dors tranquille, la main sur la poitrine, ou plutôt non, quelques mètres plus loin. Il est vrai qu'en vidant mes sacs plastiques, que je me devais de conserver par respect pour la nature, certains membres ont roulé. Sais-tu seulement le temps qu'il m'a fallu pour tout remettre en ordre? Peux-tu réaliser dans ta petite tête d'oiseau, combien il est difficile de démembrer un être, aussi cher soit-il. Mais non, tu restes là, placide. Tu vas me regarder creuser et suer, sans bouger, sans rien dire. Et quand enfin je te déposerai par morceaux dans le trou à ta taille, il faudra encore te border de la terre retirée. Mais il ne faut pas être amer. Nous sommes aimés, et sur ton lit d'humus, je répandrai une couverture de ces feuilles si chères à notre amour. Ces feuilles mortes qui abriteront ta dépouille lorsque les vers te dévoreront. Dans quelques mois, tu ne seras plus rien, et je serai tranquille. Mais la forêt te sera gré d'avoir contribué à la ressourcer. Merci, compost ami. Merci, bel inconnu. Et le souvenir des feuilles mortes restera jamais en nous. Sniff.